Avocate, femme d'affaires, ministre, puis directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde avait effectué un parcours sans faute. Mais elle est aujourd'hui rattrapée par une affaire tortueuse qui empoisonne la vie judiciaire et politique française depuis plus de 25 ans, l'affaire de l'arbitrage Tapie. Poursuivie dans ce dossier pour négligence, Christine Lagarde plaide non coupable. J'ai toujours agi dans l'intérêt de l'État et conformément à la loi. En 1993, l'homme d'affaires Bernard Tapie demande au Crédit Lyonnais de s'occuper de la vente de l'entreprise Adidas qui lui appartient. La banque publique rachète elle-même Adidas pour 300 millions d'euros avant de revendre la société 700 millions d'euros. Tapie, à l'époque, s'estime roulé dans la farine. Oui, ils m'ont ruiné, humilié. Et ils m'ont mis en liquidation des biens. Pendant ce temps-là, ils faisaient fortune sur mon dos. Après 15 ans de procès, Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais décident de s'en remettre à un arbitrage, validé par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Christine Lagarde. Bernard Tapie gagne cette nouvelle manche et obtient 400 millions d'euros d'indemnité. Mais en 2015, l'arbitrage est annulé. La justice accuse l'un des trois arbitres d'avoir été de mèche avec Bernard Tapie. Dans ce dossier, Christine Lagarde est accusée de ne pas avoir assez protégé les intérêts de l'État. Elle est tout à fait déterminée à faire la démonstration que les griefs de négligence qui ont été retenus par la commission d'instruction sont absolument sans aucun fondement. Christine Lagarde risque jusqu'à un an de prison. La Cour de justice de la République fera connaître son jugement immédiatement à l'issue du procès qui se tient à Paris jusqu'au 20 décembre.